Mama. na yo. Lokola Pasteur Flori Pangi, Pasteur Joseph Senda, Mosali na yo Jean-Claude Chituka, Nana Mundele, Mama Bébé, Beba Christou Nyonso, Oyo Basale la Kayo na Bosso. Le secret du royaume. Elohim